Bonjour et bienvenue pour la deuxième émission de Mi-Science Impossible. On l'a. Bonjour et bienvenue pour la deuxième saison de Mi-Science Impossible. Notre mission, vous expliquer les phénomènes scientifiques du quotidien, et mieux encore, le fonctionnement passionnant de nos industries. Pour cela, nous disposons de 30 minutes au cours desquelles nous expliquerons, discuterons et viendrons à votre rencontre pour percer des mystères scientifiques. Mais qui sommes-nous? Une équipe d'étudiants ingénieurs de l'ENSIC, totalement animée par les sciences. Notre école, l'ENSIC, vous la connaissez. Présente à Nancy depuis 1887, elle se situe près de la pépinière. Son credo? Transposer à l'industrie ce qui se passe à l'échelle du laboratoire. Rien ne lui échappe. Chimie, énergie et environnement, tous les grands enjeux actuels sont concernés. Alors j'espère que vous êtes prêts à nous suivre dans nos nouvelles aventures. Aujourd'hui, trois chroniqueurs sont présents avec nous. Tout d'abord, nous avons Laurie, Bonjour. Axel Bonjour à tous. et Thibaut. Salut, salut. Et je crois que c'est toi, Axel, qui va commencer à nous parler. C'est ça. Bon, en tant que futur ingénieur dans les industries chimiques et au vu des enjeux. Bon, en tant que futur ingénieur dans les industries chimiques et au vu des enjeux auxquels nous devons faire face, que ce soit en termes d'épuisement de ressources, de nouvelles normes environnementales. Putain. Bon, en tant que futur ingénieur dans les industries chimiques et au vu des enjeux auxquels nous devons faire face, que ce soit en termes d'épuisement de ressources et des nouvelles normes environnementales à mettre en place, je pense qu'on est assez sensibilisé à la pollution dans une... Je pense qu'on est assez sensibilisé à la pollution dans nos industries. Pourtant, ça fait des années qu'on parle de taxes carbone, ce genre de choses. Et en fait, c'est une politique financière qui consiste tout simplement à pousser les industriels à réduire leurs émissions sous peine de taxes supplémentaires. Bon, mais pour des industries qui, depuis des années, émettent du CO2, qui est le principal gaz à effet de serre rejeté, comment peuvent-elles réduire leurs émissions? Bon, déjà le métier de nos jours. Ouh, putain. Bon, déjà le métier de l'ingénieur de nos jours, c'est de réduire les consommations énergétiques. Pour cela, on modifie les installations pour les rendre plus performantes avec un faible coût énergétique. Mais bien évidemment, ça ne suffit pas. C'est pourquoi de plus en plus, on voit l'installation d'équipements de capture du CO2 dans les usines. Mais moi, je me suis demandé comment ça marchait. Et je me souviens de ce que disait Lavoisier, qu'on peut considérer comme le père de la chimie moderne. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais du coup, que devient ce carbone? Bon, déjà, on émet du carbone lorsqu'on utilise un combustible, tout simplement. Et donc, pour capter le carbone, il existe trois techniques qui dépendent du moment au cours duquel la capture a lieu. Donc, tout d'abord, on peut capter le carbone avant la combustion. Pour cela, on transforme notre combustible, qui est composé de carbone et d'hydrogène, en le faisant réagir avec du dioxygène, et on obtient du dihydrogène et du monoxyde de carbone. Et là, tout va pour le mieux, parce qu'on peut facilement séparer notre dihydrogène du monoxyde de carbone. Notre nouveau combustible devient l'hydrogène, et si vous avez écouté la chronique de Thibaut il y a un petit bout de temps sur le dihydrogène, vous savez qu'en brûlant du dihydrogène, on obtient de l'eau. Bon, on a donc d'une part notre dihydrogène, et il nous reste notre monoxyde de carbone. Et bien ce dernier, on le fait réagir avec de l'eau pour produire encore une fois du dihydrogène et du CO2. On récupère notre CO2 et notre hydrogène, et ainsi on le stocke avant de le relâcher dans l'atmosphère. Bon, il y a une deuxième technique qui s'appelle l'oxycombustion. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, on fait brûler notre combustible avec de l'air, qui joue le rôle de comburant, et on obtient des gaz composés d'eau et de CO2. Et en faisant condenser l'eau, on récupère simplement notre CO2. Et enfin, la technique la plus utilisée à ce jour, c'est la récupération après la combustion. C'est-à-dire qu'on a un mélange de plein de gaz et on cherche à récupérer le CO2. Et pour cela, on utilise des composés chimiques liquides, tels que le monoéthanolamine, noté MEA. Pour vous décrire un petit peu les installations qui permettent de faire ça, on a deux colonnes, une qui permet de capter le CO2 et une deuxième qui permet de régénérer le composé chimique qui a réagi avec le CO2. Tout simplement, dans la première colonne, le CO2 réagit avec la MEA et forme une nouvelle molécule liquide. On récupère ce liquide et on l'amène dans la deuxième colonne, et là on chauffe énormément de sorte à ce que les liaisons qui ont été faites entre le CO2 et la MEA se brisent et que les deux composés soient séparés. En gros, on force la réaction qui a lieu dans la première colonne à se faire dans l'autre sens, mais dans la deuxième colonne. On récupère ainsi le CO2 et la MEA qui a été régénérée et qui est de nouveau envoyée dans la première colonne. On a donc un cycle de capture du CO2. Bon, même si cette technique est beaucoup utilisée, on a tout de même besoin de beaucoup d'énergie pour régénérer la MEA. On estime que pour une tonne de CO2 capturée, on émet 0,6 tonnes de CO2 avec cette technique. Autant vous dire qu'on a connu mieux en termes de limitation des émissions. C'est pourquoi aujourd'hui, on essaie de trouver des composés toujours moins coûteux en énergie et de nombreuses recherches sont menées afin de réduire les coûts énergétiques de ces techniques. Merde, j'ai oublié de vous dire ça. Ouais, en fait, faut que vous me demandiez. Je disais qu'on récupérait le CO2, mais faut que vous me demandiez ce qu'on en fait. Genre, en gros, la phrase c'est: mais Axel, tu nous dis depuis le début qu'on récupère le CO2 à part dans ces techniques, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est bien beau de le capturer, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Ok. On doit le dire maintenant là? Bah oui, il faut bien que je l'ai dans l'enregistrement. Ça va être un peu naturel. Mais dis donc, Axel! Non, attends, c'est quoi la phrase? Mais du coup, Axel, depuis le début, tu nous parles de capter du CO2, mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait après? Alors, à ce jour, pour stocker le CO2, on le fait pas disparaître. Hein. Ce qu'on veut à tout prix éviter, c'est de le relâcher dans l'atmosphère. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on le stocke dans des cavités souterraines. C'est une technique qui marche très bien. Pour cela, on utilise des cavités où il y avait du pétrole ou du gaz, par exemple. Elles sont grandement hermétiques, puisqu'elles ont permis de conserver ces énergies pendant des millions d'années. Et on y injecte notre CO2, et on vérifie régulièrement qu'il n'y a pas de fuite pour éviter qu'il soit relâché dans l'atmosphère. Merci beaucoup, Axel, pour cette chronique. J'espère maintenant qu'on va arrêter un petit peu de relâcher des gaz. Et Oh, elle est honteuse, celle-là. Je viens de l'improviser. Et maintenant, je crois que c'est Thibaut qui va nous parler. Et puis, Thibaut et moi, on a une passion en commun parce que moi, j'adore les Astérix. Et toi, je crois que tu vas nous parler de CBD. Oh, elle est technique, celle-là, mais ouais. Salut à tous, donc je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Donc comme David l'a dit, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet d'actualité qui fait pas mal débat en France. Je vais vous présenter et vous expliquer un petit peu ce que c'est le CBD. Avant toute chose, je me permets de préciser que cette chronique n'est pas dans le but de promouvoir ou de décrier ce type de produit, mais c'est simplement pour vous mettre un peu au courant et clarifier un petit peu la situation de ce qui se passe en France concrètement. À titre personnel, ça m'est déjà arrivé d'en consommer, notamment au travers de boissons. Est-ce que vous... chroniqueur et toi David, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'en prendre ou d'en entendre parler? Oui, moi ça m'est déjà arrivé d'en prendre. C'est à la place de prendre un Doliprane, tu sais, t'as des huiles comme ça de CBD et c'est un effet un petit peu relaxant. Pas relaxant, mais tu sais, genre ça analgésique, je sais pas si ça se dit. Oui, il existe des huiles effectivement. Moi j'avoue, j'en avais jamais entendu parler. Moi non plus, j'en ai jamais pris. Moi je me contente du Dafalgan. Ok. Pour commencer, en fait, l'abréviation CBD provient du terme cannabidiol. Cette molécule fait partie des quelques 200 cannabinoïdes, donc les dérivés du cannabis présents dans le chanvre. Donc le chanvre, c'est une plante qu'on retrouve à l'état naturel. Elle ne possède pas d'effet stupéfiant, contrairement à l'actif le plus connu, le THC, dont je vous ai parlé le nom chimique complet, qui est très compliqué et très long. En effet, le CBD contient moins de 0,2% de THC, c'est la limite autorisée en France, et le THC, c'est la substance psychotrope qui est responsable des effets qu'on connaît lorsqu'on consomme du cannabis. Donc je me permets d'ajouter que d'après un arrêté publié le 31 décembre, en France, il est autorisé la production et la commercialisation de produits au CBD. En revanche, les fleurs et feuilles de chanvre bien-être sont quant à elles interdites. À l'état naturel, toutes les plantes de chanvre ne sont pas identiques, évidemment, ce ne sont pas toutes des clones, et leur teneur en THC varie. Et il faut savoir qu'à partir de 15%, le produit devient illégal et peut être considéré comme de la drogue. À partir de 15% en THC, la teneur est considérée comme trop élevée, et ça devient illégal. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, mais énormément de boutiques qui vendent du CBD ou des produits à base de CBD ont récemment ouvert dans nos villes, et c'est particulièrement le cas à Nancy, puisque rien qu'en se baladant un petit peu dans le centre-ville, on peut en trouver deux ou trois uniquement en centre-ville, donc c'est dire. Et il faut savoir que le CBD se décline dans de nombreux produits, donc comme l'a dit Axel, il y a des huiles qu'on peut appliquer par exemple sous la langue, des crèmes qu'on peut notamment appliquer au niveau des articulations pour soulager des douleurs, ou même dans des boissons, comme par exemple des infusions ou des bubble tea. Donc... les effets sont très variables selon les personnes, puisque pour certains, ils ressentiront une véritable tranquillité, un véritable bien-être, une plénitude après en avoir pris, tandis que pour d'autres, ça n'aura strictement aucun effet, et voilà, c'est comme s'ils n'en avaient pas pris du tout. Et du coup, Axel, toi, tu nous as dit que t'en avais pris au travers d'huile, est-ce que ça t'avait fait quelque chose ou... Pas spécialement, si tu veux, je pense que j'étais un peu plus détendu, mais après, c'est peut-être aussi l'effet... le placebo, oui, c'est ça, quoi. Ok, d'accord. Donc comme l'a dit Axel, ça permet notamment de réduire l'anxiété et le stress chez certaines personnes, et en tout cas ça peut peut-être représenter une bonne alternative pour éviter de directement passer aux gros médicaments style anxiolytique, voilà, donc les médicaments plus lourds avec des effets secondaires plus importants, donc dans ce sens-là ça peut être une bonne solution, pourquoi pas. Et comme je vous l'ai dit précédemment dans cette chronique, le CBD fait particulièrement débat en France, déjà parce que souvent les gens l'assimilent à tort avec le cannabis, alors que ça n'a rien à voir, c'est pas quelque chose de... c'est pas un stupéfiant. Et en plus, depuis quelques mois, voire même quelques années, le CBD est présenté par certains comme une sorte de cannabis allégé, une sorte de joint légal, donc forcément chez des populations qui ne connaissent pas forcément bien le sujet, avec une substance sur laquelle on a aussi peu de recul, forcément ça peut créer une certaine confusion et une certaine ambiguïté chez la population. Enfin, et pour terminer cette chronique, malgré toutes les promesses liées à ce produit, donc comme quoi ça pourrait apporter un certain bien-être, de la tranquillité, etc., comme je vous l'ai dit juste avant, il faut tout de même rester prudent quant à son efficacité et ses vertus thérapeutiques, parce que, selon certains chercheurs du CNRS, les réponses restent assez contradictoires sur le circuit dopaminergique humain, c'est-à-dire le circuit de la récompense. Donc voilà, c'est prometteur, mais on n'a toujours pas de preuves formelles comme quoi c'est réellement efficace et que ça a de réels bienfaits médicaux sur le corps. Merci beaucoup Thibaut pour ta chronique, moi qui pensais qu'on avait quelque chose en commun. Mais bref, ne nous apitoyons pas, on va écouter Britney Spears pour nous remonter le moral avec Toxic sur Fadjet. Baby, can't you see I'm calling? Merci de nous écouter sur Fadjet dans l'émission exceptionnelle de Mission Impossible. Si vous nous rejoignez seulement, deux chroniques ont déjà été faites par Axel et Thibaut. Et si vous voulez les écouter, Rien de plus simple. Elles seront disponibles sur le site de Fadjet ou en podcast sur YouTube. Est-ce que quelqu'un avait quelque chose à dire, il me semble ? Oui, en fait, moi, j'ai un petit mea culpa à faire. On en a parlé avec Axel pendant la pause. Et en fait, il s'avère qu'à la fin du mois de janvier, le Conseil d'État a annulé cette décision du 31 décembre. Donc en fait, il est bel et bien légal maintenant, depuis fin janvier, de vendre des feuilles de chanvre. Donc, mea culpa. Voilà, tu pourras rejoindre Laurie sur les... Les bancs des fake news. Non, merci. Voilà. Maintenant, je crois justement que c'est à toi, Laurie, de nous parler de ta passion du dimanche. Tout à fait. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler des fumeurs noirs et des fumeurs blancs. Alors oui, je suis sûre que quand je vous dis ça, vous pensez tout de suite à la cigarette ou à d'autres choses. C'est ma chronique qui t'a inspirée. Exactement, c'est ça. Mais en fait, si vous voulez, il y a un synonyme de ça, c'est les cheminées hydrothermales. Donc pour vous expliquer ce que c'est, je dois d'abord faire quelques points. Donc déjà, comme vous savez, sur notre planète, il y a la Terre ou le Sol, et puis il y a majoritairement des océans. Et en fait, dans ces océans, il y a des zones qui sont des zones les plus profondes et qui s'appellent les abysses. Et les abysses, c'est vraiment des endroits qui sont très hostiles, parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'oxygène, donc en gros, ça craint pour la vie. Donc on pensait avant qu'il n'y avait rien là-bas, que c'était pas possible qu'il y ait de la vie, qu'il y ait des choses, et ça ne nous intéressait pas forcément. Mais finalement, il y a des scientifiques qui ont découvert en 1977, donc il n'y a pas si longtemps que ça, qu'en fait, il y avait des structures justement dans ces abysses qui s'appellent des cheminées hydrothermales ou des fumeurs noirs ou blancs. Et c'est une des découvertes marines qui est la plus importante du XXe siècle. Et je vais vous expliquer justement pourquoi. Alors déjà, les fumeurs noirs, qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors déjà, ça se trouve dans les abysses. Et en fait, si vous voulez, c'est la rencontre entre l'eau froide des océans et le magma qui est présent sous la Terre. Donc le magma, en gros, c'est de la roche à très haute température qui est en fusion, et ça forme une espèce de pâte. Et en fait, ces cheminées hydrothermales, elles ont été découvertes pour la première fois dans l'océan Pacifique, à 2630 mètres de fond, à proximité des îles Galapagos. Donc maintenant, on sait que ces sources hydrothermales, elles sont présentes partout, dans tous les océans et pas seulement dans l'océan Pacifique. Mais elles sont surtout présentes à des endroits spécifiques. En fait, c'est là où le sol des océans, il se fissure et s'écarte pour laisser remonter le magma en fusion de la Terre. Ces cheminées, elles se forment lorsqu'en fait l'eau va s'infiltrer dans le sol des océans par des fissures. Et elle va rencontrer le magma très chaud, et en gros, ça va faire une réaction très forte, et elle va être expulsée sous forme d'un panache de fumée. Et ces panaches, ils peuvent atteindre jusqu'à 200 mètres de haut, et elles peuvent monter jusqu'à des centaines de degrés. Bien sûr, il n'y a pas d'évaporation de l'eau de mer, parce qu'on est à très forte pression, puisqu'on est très très profond dans le sol. Dans la mer. En plus, il y a certains éléments qui vont être présents dans l'eau, justement qui va s'infiltrer, et ça va forcément... Je sais pas parler, c'est fou. Et en plus, il y a certains éléments qui vont être présents dans l'eau justement qui va s'infiltrer et ça va former en gros une espèce de couche minérale. Et c'est comme ça qu'on distingue deux types de cheminées. Il y a les fumeurs noirs, là où c'est des particules de zinc, de fer, de cuivre, donc c'est très foncé. Et il y a les fumeurs blancs où c'est plutôt du calcium ou du silicium. Donc ces cheminées, en fait, elles sont hyper importantes parce qu'il y a vachement de ressources minérales. Donc, que je viens de citer, et c'est important pour la planète où justement on commence à être en pénurie de ressources, et donc on va commencer à vouloir justement exploiter ces cheminées pour les ressources. Mais il n'y a pas que ça, parce que dans les abysses, comme il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'oxygène, on se dit ok, il n'y a pas de vie, puisque la vie elle dépend quand même très largement de la lumière et du fait qu'on puisse respirer. Mais on a remarqué que dans ces structures hydrothermales, il y a de la vie. Il y a des bactéries, il y a des micro-organismes, c'est-à-dire des êtres vivants qui sont très petits, qui se sont adaptés aux conditions très extrêmes de ces milieux. Et il y en a d'autant plus près des cheminées. Et du coup, les biologistes se sont dit que ça pourrait être justement un berceau de la vie, si vous voulez, parce que ça permettrait d'avoir beaucoup plus de poids pour l'avenir. Par exemple, près des fumeurs noirs, il y a un ver qui s'appelle le ver tubicole géant, qui peut atteindre jusqu'à 200 mètres de long, et qui est capable de produire lui-même de l'hémoglobine. En gros, c'est ce qui est dans notre sang et qui fixe l'oxygène pour le partager à tout le corps. Et ça lui permet à lui, le ver, de respirer à des conditions très extrêmes, mais lui en fixant le soufre. Et donc justement, toutes ces formes de vie qui perdurent dans des conditions très extrêmes, les biologistes pensent que ça pourrait être comparé justement aux premières formes de vie sur Terre, Et du coup, cette découverte, elle a permis de montrer, dans un premier temps, qu'il y a potentiellement des nouvelles ressources à exploiter, mais aussi que la vie sur Terre, elle peut évoluer dans des conditions très extrêmes et complexes. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a seulement 7% de l'océan qui a été exploité. Donc en fait, peut-être que l'espoir réside dans la conquête des fonds marins. Voilà. Merci beaucoup, Laurie, pour cette chronique. Je vois que tu nous as parlé de tes passions et comme le verre, tu bicoles beaucoup le week-end. Alors, du coup, maintenant, c'est l'heure du petit jeu habituel. Donc, c'est parti pour le fun. Donc, je vais vous proposer des questions et vous allez me donner une réponse. Et Waouh. Et voilà. C'est très complexe. Yay. C'est un simple jeu. Il y a des petits liens avec vos chroniques, bien évidemment. Des fois. Putain, on innove, hein. En général, je gagne les jeux, mais je suis nul. Alors. Oui. Alors, pour parler du CO2, on va parler du coca. Donc, de quelle couleur est le coca son colorant ? À votre avis, est-ce qu'il est bleu ? Est-ce qu'il est vert ? Est-ce qu'il est incolore ? Ou est-ce qu'il est rouge ? Le coca ? Le Coca-Cola. On peut citer aussi le Pepsi et... Tu dis sans quoi ? Sans colorant. Moi, je dirais vert. Mais après, de base, ouais, c'est ça. Je sais que coca, maintenant, c'est rouge, mais de base, c'était vert. Je sais pas comment dire. La couleur associée à la marque. Pas forcément le liquide, mais le bouchon était vert, en tout cas. Non, moi, je dirais vert, surtout parce que je pense que c'est une couleur qui est pas facile à vendre. Et du coup, ils se disent, bon, bah, tant pis, on fait du noir avec et ce sera plus facile. Attends, c'était quoi ? C'était vert, rouge ? Incolore ou bleu ? Un couleur rouge ou bleu. Bleu, c'est chaud à vendre aussi. Qui a bah, fait du bleu. T'as le Powerade. Ouais, le Powerade, c'est ce que j'allais dire. Ouais, ouais c'est vrai. Mais bon. Vert. Ça dépend, je me demande ce qu'il y a dans le coca déjà. Parce que si c'est des matières, comment dire, des plantes, ce serait plutôt logique que ce soit vert. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je sais pas, mais je crois qu'il y a, beaucoup de sucre, il y a de la caféine et tout. Donc. Enfin, la caféine, c'est peu. C'est foncé. C'est vers le marron, quoi. Moi, je sais pas. Moi, je dirais un color. On est vrai. C'est vers le marron, mais je dirais un color. Non, parce que je pensais à marron, mais il y a rien. Enfin, sinon, genre, c'est le rouge filtré, le plus proche. Vois, mais si c'est filtré, ça peut être transparent. Je sais pas, moi, je dirais un color. Moi, le vert m'inspire bien, mais peut-être bleu. Toutes les couleurs. Là. Non, moi, je vais dire vert quand même. Ça me plaît bien. Et Axel, tu restes sur le vert, du coup ? Ouais. Eh bien, vous avez tous les deux raison. C'est le vert. Trop fort. En plus, tu le savais, Thibaut, t'as dit la couleur de base. Mais en fait, ouais, je pensais pas que c'était lié à la couleur de la couleur du liquide en lui-même. Je pensais que c'était juste le... Parce que maintenant, c'est rouge, mais on pense pas. Quand on pense coca, on pense rouge, mais le liquide est pas rouge. Enfin, oui, c'est marron à l'intérieur. C'est ça que je voulais dire. Je pense quoi, le marron, ça attire plus que le vert. Tu vois ce que je veux dire ? Genre marron, c'est pas non plus ouf comme couleur. Bah, c'est marron noir même. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai, presque noir. Je sais pas. Peut-être que les gens se disent que c'est moins chimique. Je sais pas. Parce que vert, c'est vraiment... Enfin... Bah, le vert, c'est comme tu disais, Laurie, c'est les plantes surtout qui donnent la couleur verte au coca. Okay. Parce que, je sais pas, quand tu bois de l'eau noire, ça te donne pas envie, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais il y a de l'eau noire qui existe, ouais, tu vois, c'est de la bonne eau. Oui, oui, mais c'est juste que comme elle est noire, mais c'est pas tête, très courant, quoi. T'associes à... Mais t'en as pas mal des boissons qui sont noires, tu vois, donc c'est que ça marche. Ils ont dû essayer, hein, je pense. Hein. Ouais. Alors, maintenant, la source hydrothermale la plus profonde a été découverte à 2800 mètres, 3800 mètres ou 4800 mètres. C'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure dans ma chronique. Je sais pas si c'est la plus profonde, n'empêche. Moi j'avais 2600. Donc déjà c'est pas pareil. Je fais des recherches, madame. C'est 4800. T'as dit quoi, 2800, 3800 ou 4800 ? C'est ça. Moi je dirais 4800 quand même. Parce que la fosse des Mariannes, c'est combien ? Je sais pas, mais je crois que c'est la fosse la plus profonde du monde, ça ? Je crois que c'est aux Moi, j'aurais dit 10, ouais, hein. 10-12 km de profondeur, je pense. Putain, c'est énorme. Je sais pas, moi, j'aurais dit comme Axel, en vrai, 4800. C'est quoi les... Tu peux répéter ? Je suis désolée. C'est 2008, 3008, 2008, 3008 et 4008. Mais moi, je vais rester sur ma petite 2008. Moi, je dirais comme Axel, 4008. Sympathique. Mais déjà il y a la fin... Est-ce que t'es capable de descendre à cette distance ? Quoi ? 4000 mètres ? Bah maintenant on doit avoir quand même les équipements pour le faire. Hein. Je pense à tabasse quand même. Hein. Bah sinon on pourrait pas savoir combien c'est. Oui c'est vrai. Non mais ils font peut-être, peut-être avec des... Moi je dis 2000, avec des 2800, c'est sûrement avec des mesures, enfin je crois que c'était un truc où ils font avec des mesures par onde, genre ils envoient une onde, ils envoient un signal et ils mesurent le... Ouais c'est vrai. Connaissant la vitesse de l'onde, ils mesurent le temps de l'aller-retour en gros, et à partir de ça ils en déduisent la distance. Mais Non mais comment ils pourraient savoir qu'il y a une source dedans, une source hydrothermale, tu vois. Après, il y a les sous-marins, mais je sais pas. C'est environ 11 km. C'est pas celle aux États-Unis ? Non, je sais pas. Parce qu'il y en a une en face des États-Unis, je sais plus comment elle s'appelle, vers la Californie. Je sais pas.

Si vous nous rejoignez seulement, nos trois chroniqueurs nous ont fait d'excellentes chroniques et vous pourrez les retrouver sur tous nos réseaux sociaux ou en podcast sur Radio Fadjet. Revenons maintenant à notre petit jeu. Il y a quelques minutes, je vous demandais la source hydrothermale la plus profonde. Vous m'avez répondu 2800 et 4800 mètres. Et la bonne réponse était, après ce long débat finalement, 3800 mètres. Yes. Vous avez tous perdu. Yes. Bénef. Plaisir. Ça valait donc bien le coup. Je le savais. Bénef, les ingénieurs de l'ENSIC. On est nuls. Donc maintenant, une dernière question rapide. On part sur des lois bizarres aux États-Unis, après avoir parlé de CBD. Donc au Connecticut, il est interdit d'embrasser sa femme de dimanche. Il est interdit de mettre des chaussures le dimanche ou il est interdit de rester chez soi le dimanche. Putain, mais c'est les pires trucs. Non, mais attends, au Connecticut, c'est tellement un état au milieu de tous les états. Oui, mais enfin... Ok, bon, alors... Embrasser sa femme les chaussures ou rester chez soi? Mettre des chaussettes. Qu'est-ce qui est interdit? Des chaussettes. Mais des chaussettes, non mais attends. Moi je pense que c'est embrasser sa femme, parce qu'ils sont quand même vachement religieux là-bas, et je vois bien un bail de... C'est le jour du Seigneur, ouais, c'est ça? Ouais, voilà, tu peux pas... La question, elle est frauduleuse. Ouais, j'aime bien. En plus, on a aucun... Genre, on ne connaît rien sur le Connecticut, aucune idée. Juste, c'est quoi le rapport avec le CBD, là? Moi, je dis, les lois aux États-Unis, tu vois, ils fument un peu... Ah ouais, okay. D'accord. Ça se défend. Oh, le rapport, il est un peu... On fait chacun une réponse, comme ça, on est sûr d'avoir raison. Non, on n'est pas des faibles, on va lui montrer qu'on sait. Attends. En plus, je le vois bien, il y a calé des petits trolls dans les réponses, genre les chaussettes. Je vois bien une petite blague de David là. Ah, c'est vrai que c'est toi qui as écrit les réponses, faut réfléchir. C'est quoi? C'est sa femme, les chaussettes ou... C'est quoi le dernier? J'ai Alzheimer. Rester chez soi. T'es obligé de sortir le dimanche, genre même s'il fait moins 20, tu es obligé de sortir. Mais toute la journée? Elle dit, c'est pas précisé, hein. Non, mais je pense, ça veut dire que tu peux pas rester l'entièreté de la journée chez toi. Genre, peut-être. Ouais, je pense que c'est ça. Bah ouais, mais bon, c'est n'importe quoi. Je sais pas, c'est trop dur. C'est vraiment... Moi, je vais dire les chaussettes, juste pour le plaisir. Oula. Moi, je vais dire... Alors, t'es obligé d'aérer tes pieds, tu vois. Mais du coup, autant aérer ton corps directement, autant sortir, non? Moi, je reste sur la... Vas-y, moi, je vais prendre l'autre. Obligé de sortir, là. Ouais, on a tout fait. Ouais, vous avez fini les trois. Et bien, du coup, c'est Axel qui a la bonne réponse. Allez. Il est interdit d'embrasser sa femme le dimanche. Et du coup, tu sais pas pourquoi? Il n'y a pas d'explication? C'est juste ça? Non, c'est juste des lois qui ont été faites et qui ne sont pas... Mais faudrait savoir si elles sont vraiment respectées ou pas. En mode, si ils embrassent leur femme, ils ont vraiment peur. Genre, ils regardent à gauche, à droite et tout. Pour voir s'il n'y a pas le shérif dans la rue, tu vois. Bon, et bien, merci à tous de nous avoir écoutés sur Radio Fadjet. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. Et puis, à dans 2 semaines, du coup, pour une nouvelle émission. Salut, salut, salut.